22-32, observation. Accord des participes dans les verbes conjugués avec être. Notez l'auxiliaire être et l'accord du participe. Ils sont passés devant l'Institut. Elle est partie. Elles sont arrivées. Je suis revenue. Notez que les participes passés des verbes non réfléchis conjugués avec être s'accordent avec le sujet.